Ce vendredi, à la vie en BD, Michel Rabagliati et Paul dans le Nord, Bach et le deuxième tome de C'est pas facile d'être une fille. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro, comme à l'habitude, avec vous jusqu'à 18h30. Et cette semaine, ben, deux invités, deux beaux albums qu'on décortiquera en leur compagnie. Alors, on l'a mentionné, Paul dans le Nord, dernier opus de Michel Rabagliati. Si l'on se fie à certaines entrevues, peut-être dernier opus de la série Paul ou non, l'avenir nous le dira évidemment. Mais un album qui nous entraîne donc dans l'univers de l'adolescence. Alors, on le parcourra en sa compagnie. Également, Bach, qui nous a offert le deuxième tome de C'est pas facile d'être une fille, une BD d'autofiction autour du mariage, avec des questionnements sur l'engagement, sur l'amour aujourd'hui, et avec évidemment une grosse, grosse touche d'humour. Alors, on en parle également avec elle en deuxième partie d'émission. Alors, sinon, dans l'actualité, cette semaine, eh ben, on commence par une nouvelle, un départ, un décès. On a appris par Béatrice Ouin, la sœur de l'artiste, le décès de Pierre Ouin, 9 novembre dernier. Alors, on le connaissait notamment pour son travail dans les années 77 sur le fanzine Crapaud Baveux, courant punk de la BD 1980 auquel il a contribué également, les déjantés de Métal Hurlant, de Viper, de Psychopathe et autres. Alors, son héros le plus connu, Bloody, un punk camé jusqu'à l'os accompagné de son rat, vivait dans les milieux marginaux entre trip et rigolade. Alors voilà. Sinon, de manière peut-être un peu plus légère, on parle d'Angoulême. L'art de Maurice sera à l'honneur. Question de souligner les 70 ans de Lucky Luke. Alors c'est la Cité internationale de la bande dessinée qui va présenter une exposition rétrospective consacrée à l'œuvre de Maurice de Bévert, dit Maurice. Alors donc on parle évidemment de 150 planches de dessins originaux jamais exposé, puisque dans le cas d'Angoulême, ils ne font jamais les choses à moitié. Ils ont le budget pour le faire également, et c'est tout à leur avantage. Alors, on pourra donc voir et découvrir l'évolution du trait et évidemment du talent aussi de Maurice. On parle aussi d'une série de journaux rares, d'esquisses, de manuscrits qui proviennent des collections du musée de la bande dessinée ou de prêts particuliers, posters, photos, figurines, etc., etc., avec une monographie également. Alors, ben voilà, ce sera surveillé dans le cadre d'Angoulême l'an prochain. Sinon, on parle aussi, il y a pas mal de trucs qui se passent à Lyon. Alors, en fait, les 14 et 15 novembre, bande dessinée la plus longue du monde, une bande dessinée de 1600 mètres. Alors, c'est un écho à un record qu'il nous avait offert en mai 2011, une bande dessinée de 1000 mètres de long. C'est un record qui avait été battu en avril 2014, puisqu'à New York, il y avait eu présentation d'un comic strip de 1214 mètres. Et maintenant, Lyon prend sa vengeance, entre guillemets, et ramène le record. Donc, on parle d'une bande dessinée de 1600 mètres dont JB a signé le scénario et les 1600 cases également du storyboard. On lui suit une fillette qui, grâce à un stylo magique, voyage dans le temps à la recherche de ses ancêtres. Alors voilà, si jamais vous êtes dans le coin de Lyon, sinon il y aura sûrement des vidéos, des photos et autres éléments qui seront diffusés sur le web. Et dernier clin d'œil, record mondial établi pour une planche d'Hergé. Sotheby's l'avait présentée comme l'une des plus grandes du monde dans le domaine de la bande dessinée. C'est une planche double du Sceptre d'Ottokar. Elle a été vendue près d'1,6 million d'euros. Donc, ça fait un peu plus de 2 millions de dollars là, lors de la dernière vente aux enchères fin octobre. Alors, collection du Bédéfil belge Jean-Arnold Schouf était mise en vente à cette occasion-là. 132 lots, dont cette planche. Et finalement, en fait, elle est estimée avant la vente entre 600 000 et 800 000 euros. Bien en deçà du prix de vente final. Alors voilà, en fait, comme quoi le marché de la BD et des planches originales du côté franco-belge, eh bien, va somme toute relativement bien. Alors en musique, cette semaine, la formation qui nous accompagne s'appelle Captain Groovitron, avec leur album qui s'appelle Full Circle. On écoute un premier extrait. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre également sur Facebook. Facebook qu'on anime avec beaucoup d'énergie ces temps-ci. Alors, sur facebook.com/ La Vie en BD pour nous trouver. Alors, évidemment, beaucoup de sorties cet automne et certaines, qu'on attendait avec une vive impatience. C'était le cas notamment du nouvel opus de la série Paul de Michel Rabagliati. C'est toujours aux éditions La Pastèque et ça s'appelle Paul dans le Nord. Alors, pour nous en parler, on a le plaisir d'être en compagnie de l'auteur, Michel Rabagliati. Bonjour. Bonjour. Alors, Paul dans le Nord, si on contextualise, c'est le récit de l'adolescence, c'est le récit du premier amour. Oui, il y a déjà eu des premiers amours, mais ici, c'est vraiment le premier. On peut dire, par exemple, dans Paul au Parc, l'album précédent, Paul avait une petite copine, mais bon, là, il y avait 10 ans, c'est autre chose. On se fait des petits cadeaux, on se donne des autocollants, on se donne un bec, ça joue, là. Mais là, ici, c'est plus sérieux, c'est le grand amour, c'est le premier grand amour, et puis... c'est ça, il touche plus à temps, comme on dit, il flotte dans la guimauve, et puis dans les licornes, et puis dans les arcs-en-ciel. Oui, avec la belle mesure dont on connaît de l'adolescence et de l'inexpérience qui est liée. Ben c'est surtout ça qui était intéressant de travailler, comme je dis toujours, dans cette histoire-là, Paul, il y a juste la pédale de gaz, il n'y a pas de break, il ne sait pas comment ça marche, il est complètement et profondément amoureux de cette fille-là, fait qu'il pèse sur l'accélérateur au maximum sans savoir qu'il pourrait arriver quelque chose. Sa mère le voit aller, mais lui, il se voit pas aller du tout. Là, ça a été très le fun de l'illustrer à cet âge-là aussi avec cette sensibilité-là à fleur de peau. Donc, il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup de premières fois dans ce livre-là. C'est beaucoup de premières expériences, des expériences de liberté aussi. Il cherche vraiment à s'affranchir de ses parents, sortir de la maison. C'est pour ça qu'il désire tant avoir une moto. C'est son but unique, c'est d'avoir une moto pour pouvoir sacrer son camp de la maison. Oui, en fait, c'est un peu la période de choc, dans le fond, où il cherche à devenir un adulte, à s'émanciper, mais où il retrouve en fait qu'il n'y a pas non plus l'expérience nécessaire pour accomplir ce saut-là de manière entière et complète. Donc, c'est un peu une période de choc, dans le fond, qu'on ressent bien dans l'album. Oh ouais, c'est vraiment une période d'affranchissement, c'est qu'il essaye des affaires. Et puis le trouble, c'est qu'il prend aucun conseil de ses parents. Donc à cet âge-là, on veut pas rien savoir de nos parents. Puis bon, moi j'avais ma fille sous la main aussi pour me montrer. En fait, c'est que ma fille a 20 ans, j'ai passé à travers cette période-là avec elle aussi. Les conseils, ça rentre pas. C'est de la part des parents, faut que ça vienne d'amis, faut que ça vienne de proches. Mais t'as beau leur prodiguer des conseils, puis ils veulent rien. Il faut qu'ils fassent leurs propres expériences. Donc Paul, dans cet album-là, il fait ses propres expériences, puis il n'entend rien de ce que ses parents peuvent lui conseiller ou quoi que ce soit. Il veut absolument se couper d'eux autres, puis vivre sa vinaigrette, comme on dit. Et le fait, justement, d'avoir vécu relativement récemment une période d'adolescence à travers votre fille, est-ce que c'est un peu ce qui vous avait ramené dans vos souvenirs de votre adolescence aussi, et qu'un peu la période récente et vos souvenirs ont alimenté le désir de faire Paul dans le Nord? Oui, certain, parce que j'ai commencé à écrire cette histoire-là donc il y a à peu près 5 ans, donc ça a pris du temps, le livre a pris du temps à accoucher, parce qu'il y a eu un film aussi qui a retardé beaucoup la production de cet album-là. Donc, dans ce temps-là, ma fille avait environ 16 ans, tu sais, c'est en plein l'âge que j'illustre dans le livre, là, je la voyais aller, puis ma fille, c'est une bougonneuse, puis une boudeuse naturelle, là, fait que ça m'a complètement replongé dedans, puis elle est assez similaire à moi. C'est vraiment quelqu'un qui veut faire son chemin. J'ai beau essayer de l'orienter à l'école, des trucs comme ça, elle veut rien savoir, c'est elle qui veut y aller, elle veut y aller à son rythme, elle veut aller dans ce qu'elle veut essayer. Moi, je vois ses forces, je vois ce qu'elle a. En fait, elle a des forces, mais elle les connaît pas. Moi, je les vois comme père, mais j'ai à peu près sûr qu'elle va s'en aller en or ou quelque chose comme ça, cette fille-là, quand elle va être plus grande. Mais là, on dirait qu'elle ne sait pas, mais moi, je le sais. C'est un peu, on revoit au regard du père et des parents de Paul dans l'album, qui regardent leur enfant, qui le voient y aller, mais à un moment donné, il faut lâcher prise un peu puis le laisser tomber, finalement. C'est ça, ils laissent aller. Parce que, à un moment donné, ils sont là, puis ils mangent leur mets chinois, puis Paul, il arrête pas de claquer les portes dans la maison, puis tout ça, puis le père... Puis aussi, c'est la mode, tu sais, on est en 76, fait que c'est la mode de les hormones, puis l'adolescence. Tu sais, les parents commencent à lire des choses sur dans les magazines populaires sur l'adolescence, les hormones, le combat père-fils, etc., les conflits mère-fille, père-fils, etc., le complexe d'Édipe, tout ça. Ils en parlent dans les magazines, puis là, justement, quand la mère de Paul a lu quelque chose là-dessus, elle a dit c'est les hormones, puis son père, il dit « Oh, les globules rouges », puis tout ça. Ils sont pas trop au courant, mais ils ont entendu parler qu'il se passait quelque chose dans le métabolisme des jeunes. Et ce qui est intéressant au niveau de la dynamique, justement, du personnage de Paul dans cet album-là, comparativement à d'autres, c'est qu'à travers, justement, ce manque de patience, cette mèche courte-là, il devient aussi un bon moteur comique, j'ai l'impression. Ben oui, c'est ça, il est comique, donc on peut rire de... Ben, en fait, moi, ce qui est le fun avec ce personnage-là, c'est que je peux rire de lui en masse, c'est moi-même, donc je peux taper sur le clou tant que je veux, puis moi, j'ai pas de pudeur à me taper dessus, je le trouve très comique. En fait, il y a un côté soupe au lait, là, qui était tellement exploitable, j'aime beaucoup tabler là-dessus, puis le mettre dans des situations inconfortables ou des premières fois. C'est toujours drôle quand il est dans les premières fois, parce qu'il y a ses réactions, sont souvent très naïfs, tout ça, il connaît rien. Un moment donné, on le voit dans le livre, il fait de l'autostop, mais il voit pas du tout que le bonhomme qui les a embarqués, il est louche, puis c'est probablement un homosexuel qui a envie de faire des trucs avec eux autres, mais lui, il voit absolument rien. Il est là, c'est un petit blond, c'est la première fois qu'il prend le... qui fait du pouce, tu sais, ça... Fait que là, il arrive toutes sortes de trucs en autostop, qui, je veux dire, que le cul, lui, il pouvait pas imaginer, parce qu'il est tellement naïf, il a pas d'expérience, donc... et en même temps, on parlait de pudeur tantôt, dans certains moments, est-ce qu'on met un peu de côté aussi sa pudeur d'adulte, surtout dans le contexte où, outre les éléments d'adolescence, c'est aussi beaucoup une histoire qui est centrée sur les gangs de gars de l'époque, avec la période et les hormones qu'amène l'adolescence, mais avec le langage aussi, les préoccupations qu'amène la découverte de la sexualité. Ben oui, ben c'est ça, c'est un thème évidemment que je pouvais pas rater. C'est quand on a 16 ans puis on est entre gars. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé illustrer ces portions où est-ce qu'ils sont entre garçons. On voit rarement ça en bande dessinée. Une gang de 5-6 garçons ensemble, 16 ans, de quoi ils parlent, surtout de quoi ils parlaient en 76 aussi. On est à une autre époque. Fait que les gens des fois peuvent me reprocher un peu que le langage est un peu vulgaire. C'est vrai dans celui-là, mais on est à une autre époque. On est quand même en 76, ça fait un bon bout de ça. Les jeunes s'exprimaient comme... Moi, je suis toujours assez juste là pour au niveau du langage par rapport aux périodes. Il y a une notion d'immersion, en fait, à un moment donné. Oui, c'est la première fois. Je pense qu'il touche les seins d'une fille, tout ça. C'est un gros événement. Puis, tu vois, entre gars, il n'est question que de ça. De toute façon, ils sont pas encore à l'âge même de parler d'engagement, d'amour réel. Ils sont comme, ils sont coincés sur les trucs. Ils regardent que les fesses, puis les seins des filles, c'est tout, là, c'est tout ce qui les intéresse. Puis j'imagine que si on se censure, on perd l'authenticité du moment, l'authenticité de la scène, l'authenticité de la période aussi. Ben oui, c'est ça. J'ai montré ça cru comme c'était. D'ailleurs, il y a une page que j'aime beaucoup. C'est une page où est-ce que il y a les garçons sont entre eux, tu sais, dans un parc. Il y a quatre sujets de conversation possibles. Tu sais, les moteurs, le baseball, la musique, puis les filles. C'est tout. Je dois dire que c'était à peu près ça les sujets de conversation qu'on avait. Fait que quand on parlait de musique, ben là on parlait de guitare électrique, puis de qui c'est qui s'était le plus drogué, puis qui c'est qui avait cassé le plus d'affaires sur scène, puis des trucs comme ça. Jimi Hendrix, The Who, ces affaires-là, les groupes populaires du moment, Pink Floyd, etc. Ça parlait beaucoup de performance ensuite, de guitare électrique, etc. Bon, les moteurs, ben ça, c'était les skidoo, les autos, les motos. Bon, c'était une période aussi, il y avait beaucoup de motos, des muscle motos, là, qu'on peut dire. Il y avait des Kawasaki 750 deux temps, il y avait des affaires de même sur la route, il y avait vraiment des machines à arracher l'asphalte, comme on dit, là. Donc, c'est toute cette mode-là. Puis les gars sont là-dedans, jusqu'au cou, là. Ils sont vraiment dans les statistiques puis tout ça. Puis quand on en vient aux femmes, ben là, les filles, ils savent pas ce que c'est que l'amour. Fait que là, ils sont vraiment les hormones dans le tapis, comme on dit. Et ils ne parlent que de cul ou d'attributs sexuels. C'est tout ce qui les intéresse. et à travers tout ça, ce qu'on a mentionné aussi, une flopée de sujets, d'éléments, j'imagine que ça vous nécessite aussi une bonne recherche pour replonger un peu justement dans l'époque, dans la période, oui, au niveau langage, mais aussi au niveau de ce qui se passait, au niveau des images, au niveau du visuel, etc. Moi, c'est surtout surtout dans, mais évidemment dans celui-là, il y a une préoccupation historique parce qu'on est en 76, on est entre les deux, on est donc entre l'été 76 et la fin de l'été 75 et 76, c'est la construction du stade olympique. Donc et puis c'est les Jeux olympiques aussi qui vont avoir lieu à l'été 76. Bon, les jeunes regardent la télé, les parents aussi regardent la télé. Donc les Olympiques sont en background, mais en même temps, il fallait que les dates soient bonnes puis que même l'heure soit bonne dans la journée. Je sais, il y avait une compétition de kayak où bon, s'il y avait le saut en hauteur de Greg Joy, bon, il fallait que ce soit la bonne date, le bon jour, puis il fallait qu'il y ait le bon numéro de chandail, etc. Comme mes livres vont dans les écoles aussi, puis sont quand même imprimés à... les tirages sont rendus assez élevés, donc ça s'en va dans, chez les jeunes, dans les écoles, tout ça. Je me retrouve un peu à avoir la même préoccupation qu'Hergé, donc quand Hergé s'est mis à faire de la bande dessinée, sérieusement, en Belgique, les éducateurs, puis tout ça, ils lui ont reproché, ils ont dit, bon, ben ça, c'est pas exact, fais attention, les jeunes ont ça dans leurs mains, quand tu leur parles du Tibet, ou quand tu leur parles de la Chine, quand tu leur parles de n'importe quoi, il faut que ce soit exact, tu sais. Mm-hmm. Oui, donc, j'ai un peu cette leçon-là. Je me dis, oui, c'est vrai que mes livres vont, ils vont finir dans les mains de jeunes ou peut-être même dans le scolaire. J'ai déjà comme, bon, ça, je l'ai déjà comme acquis depuis un bon bout de temps. Même le dernier, je parle des événements d'octobre 70. C'est vraiment les bonnes journées. C'est les bons noms. Il faut que je fasse attention à ça, là. Oui, puis même, en fait, si je fais une petite parenthèse, côté école, vous avez Paul en classe qui s'en vient, carrément manuel avec Paul, là. Oui, c'est la BD en classe, ça s'appelle. C'est la Chenelière Éducation qui, d'ailleurs, c'est une professeure de Québec qui a développé ce livre-là. Donc, Marie-Hélène Marcoux qui a développé un manuel assez consistant où il faut lire de la bande dessinée, puis en l'occurrence, c'est deux pôles. Il faut lire deux pôles et puis il faut aussi lire Jane Le Renard et moi. Ça s'adresse au secondaire, du secondaire 1 à 5. Puis c'est vraiment bien fait. Puis je trouve que c'est instructif et pour les professeurs et pour les jeunes. Puis moi, j'ai fait quelques exercices. C'est vraiment, vraiment très le fun comment c'est amené. C'est quand même spécial, mais ça fonctionne très bien, la bande dessinée en classe. Hein, puis c'est démocratisé maintenant. Mm-hmm. Les professeurs laissent ça rentrer. Les parents aussi acceptent que leurs jeunes lisent ça. Mais aussi que bon, c'est pas Garfield là, qu'on leur fait lire, ni Popeye, là. C'est de la bande dessinée, donc c'est du roman graphique, hein, c'est plus long, c'est à forte pagination. Une fois que tu as lu un Paul, quand même, il y a des Pauls qui ont 190 pages, là, c'est de la bande dessinée quand même assez dense à lire. Il y a beaucoup de textes, d'informations. Oui, puis ça met de l'avant aussi le côté, j'ai l'impression, à travers un album comme Paul Nanor, exemple, ben c'est pratiquement un dialogue entre générations, dans la mesure où votre adolescence des années 70, puis l'adolescence de jeunes d'aujourd'hui, bon oui, il y a des technologies qui ont changé, mais l'essence reste quand même la même. Oui, moi, je pense que ça peut tout à fait intéresser. J'ai bien hâte d'avoir des échos de toute façon sur Paul dans le Nord de la part des jeunes, mais je pense qu'ils vont avoir beaucoup de plaisir. Je pense que les parents qui ont des enfants aussi vont se retrouver là-dedans, parce que ça, c'est... Bon, le conflit intergénérationnel, ça change jamais, ça a toujours été. Mais pour le jeune, le fait de lire une histoire qui se passe il y a 40 ans, ça peut être assez drôle. Les Olympiques, ils n'ont pas connu ça. Je veux dire, c'est les jeunes aujourd'hui sont nés en 98. Mon char, c'est en 98. Donc, c'est ça. Je pense que ça peut faire une lecture très agréable et instructive. Celui-là, puis aussi d'autres mes autres albums aussi, je veux dire, c'est historiquement réel. Je suis pas dans des univers où ça se passe sur Mars ou... C'est vraiment le Québec contemporain, mais c'est le mien, là, parce que moi, je suis né dans les années 60, mais je pense que ça peut être intéressant pour des jeunes. Et vous dites, justement, on n'est pas dans une autre planète. Enfin, on est dans le Nord, mais en fait, pour moi qui ne viens pas de Montréal, le Nord, ça m'évoquait peut-être les grandes étendues nordiques. Finalement, je me dis, non, on est à Montréal, le Nord, c'est 3 heures en haut, c'est les Laurentides. Oui, oh, mais c'est même moins loin que ça. Ici, à Montréal, parce que tout le monde, évidemment, le lieu du villégiature privilégié, c'est les Laurentides. Et tout le monde a des chalets, beaucoup de Montréalais ont des chalets dans le nord, mais le nord, ça commence à Saint-Jérôme, hein, tant qu'à y être, c'est 3 quarts d'heure, là, c'est pas loin, là. Moi, mes parents avaient un chalet à Saint-Sauveur, etc., Saint-Agathe, Saint-Adèle, le petit train du nord, c'est bien ça, là. C'est vraiment les Laurentides, c'est pas le Yukon. Et ça vous amène dans une palette qui est un peu similaire à l'univers forestier de Paul à la pêche, d'une certaine façon, donc des grandes étendues, des forêts oui, aussi. Oui, ben, il y a ça aussi qui est intéressant à illustrer, puis c'est intéressant, je pense que même, parce que bon, mes livres sont traduits dans plusieurs langues, je pense que pour un lecteur espagnol, de voir une tempête de neige comme ça, assez violente, parce que j'illustre une tempête de neige dans cet album-là. Oui, c'est fort, fort beau, en fait, d'aller chercher le mouvement de la tempête, c'est pas évident. Oui, oui, oui, oui. Puis je suis bien content de ma tempête de neige parce que j'ai trouvé un moyen de la rendre assez à visibilité réduite. C'est-à-dire que j'ai mis les flocons de neige par-dessus le noir. J'ai donc mis le premier fichier, en tout cas, le blanc est par-dessus le tout. Habituellement, les couleurs sont derrière le noir. Mais là, avec l'ordinateur, aujourd'hui, on peut mettre un document par-dessus le noir, ce qui donne un effet assez vibrant. Donc, les flocons sont devant nos yeux avant de toucher d'illustration, ce qui donne vraiment un effet de visibilité réduite. Là. Je suis assez content de ma tempête. Mais pour moi, c'est ça une tempête de neige au Québec. C'est comme tu as les yeux plissés, t'en as plein les sourcils, ça te colle ses cheveux, puis quand ça va pas bien, ça va pas bien. Oui, quand c'est fini, t'es content. Et puis avec la forêt aussi, ça change un peu aussi, ça nous amène dans un autre univers graphique, dans un autre type d'horizon. J'ai l'impression que les horizons de la ville, par exemple. Oui, oui, oui, ben, c'est. Quoi de plus plaisant que d'illustrer un voyage en autostop? C'est quelque chose qui se fait plus. Je pense qu'un jeune, d'ailleurs, de 12 ans, qui va lire ça, il va dire, hein, on pouvait embarquer dans des chars en se mettant le pouce dans la rue. Je veux dire, ça se fait plus. On n'en voit plus de pousseux. Je veux dire, c'est très rare. Puis là, j'illustre vraiment cette période-là où on pouvait s'en aller sur l'autoroute des Laurentides, sortir le pouce puis être embarqué. C'est faire beaucoup de voyages. Il y avait du monde qui partait en Gaspésie, du monde qui faisait le tour du Québec sur le pouce. Ça se faisait dans le temps. Je trouve ça intéressant historiquement, pour le lecteur, de ressortir cette histoire-là. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça a disparu. Moi, l'autostop, je trouve que ce serait tellement une solution à tout ce qu'on cherche comme truc pour le covoiturage, puis économiser de l'énergie, puis économiser de l'essence. Ça, c'était génial. Tu sors ton pouce, quelqu'un qui est tout seul dans une auto t'embarque. Je veux dire, il y en a une tonne, des milliards de conducteurs qui sont seuls dans leur auto. Pourquoi on fait pas plus d'autostop? Et parallèlement aussi, on parlait de la tempête, évidemment, qui sont deux pages absolument superbes. Et il y a aussi, vous êtes permis pour la première fois, je pense, en fait, deux pages couleurs aussi à l'intérieur de l'album. Oui, ben ça, c'est une petite surprise pour le lecteur, parce qu'évidemment, dans les pôles, tout le monde me dit tout le temps, ah, tes livres sont en noir et blanc, sont toujours en noir et blanc. Moi, j'aime ça, le noir et blanc. Mais là, pour leur faire une surprise, j'ai comme, il y a un spread, comme on dit, donc un double page couleur, où, ben, bon, Paul est exténué, il fait une espèce de cauchemar rocambolesque, et puis là, je trouve que ça valait la peine de le mettre en couleur, parce qu'on est vraiment dans un univers complètement onirique, ça s'en va dans tous les sens. Là. J'ai d'ailleurs utilisé les couleurs les plus laides que je pouvais trouver des couleurs pures. Tu sais, avec toutes les dégradés, je pense qu'il n'y a pas une zone où il n'y a pas un dégradé. Oui, en fait, ça faisait penser à Little Nemo, mais sur acide, là, à la limite. Oui, ben c'est ça. C'est Little Nemo, c'est un hommage à Little Nemo. L'idée que ça se fait comme... Ça se développe comme un gag de Winsor McKay avec le Paul qui se réveille à la fin, qui tombe en bas de son lit. Là. C'est pour qui connaît Little Nemo, ça peut être un clin d'œil. Et à travers cet album-là, comme à travers tous les Pauls d'ailleurs, en fait, je pense que je suis tombé sur une entrevue qui le soulignait, puis effectivement, ça frappe quand on y pense, mais votre personnage, il est toujours positif, il est toujours ensoleillé, même dans des situations plus dramatiques, reste que le côté positif demeure, et c'est le cas aussi, même à travers cette crise d'adolescence-là dans Paul dans le Nord. Ben, c'est parce que au début, on se dit, oh, boy, il est vraiment de mauvais poil dans celui-là. Je veux dire, il a l'air méchant dans les premières pages parce que, avec ses parents, il est vraiment détestable. T'sais. Mais tout de suite, quand il est au contact de ses amis, donc au même âge que lui, ou quand il est seul, déjà la face, il change. Il a besoin d'être seul, il a besoin d'être s'affranchir, il a besoin de se retrouver loin de chez ses parents. C'est comme aussitôt qu'il est avec Timarc, par exemple. Mais quoi que quand il arrive à l'école, c'est pas une super bonne période non plus parce qu'il n'y a pas d'amis. Mais quand il se retrouve avec les jeunes de son âge, on retrouve le Paul original, c'est-à-dire un garçon qui a quand même un bon fond, qui est quand même ouvert, encore une fois souriant, ensoleillé, curieux, tout ça. Mais aussitôt qu'il rentre à la maison, il est vraiment différent. Puis pour qui le remarque, là, dans l'album, quand il est pas bien, il est habillé en noir. Il a un t-shirt noir. Puis quand il est amoureux, il est en blanc. Son t-shirt change de couleur quand il est heureux. Puis quand il se retrouve avec ses parents, il est toujours en noir. Ça aide un peu pour l'iconographie. Ça aide à lui donner un peu de caractère. Mais c'est quand même le même petit gars. On voit que c'est un petit garçon quand même qui a un bon fond, puis tout ça. Tu sais, c'est comme d'habitude, là. Mais cette période-là, l'adolescence crasse comme ça. c'est spécial. Tout le monde l'a un peu connu, puis il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, qui se reconnaissent là-dedans. Ils reconnaissent cette période-là, qui peut durer une couple d'années, là, ouais. Où on est vraiment comme... tout ce que nos parents nous disent, c'est sans importance. On veut juste comme... on va au centre d'achat avec eux autres, puis on se tient à 50 pieds en arrière. T'sais, on veut pas être identifié à eux. On veut être loin d'eux autres. On veut vraiment... vivre notre vie, on veut pas être identifié à le petit garçon à sa maman qui va magasiner avec sa mère. Ça, c'est la pire affaire. et au fil des albums, bon, vous êtes intéressé beaucoup au thème de la famille, au thème de l'enfance. Vers où vous auriez envie d'aller avec cette série-là? Est-ce que vous avez envie de poursuivre avec l'univers de Paul ou de développer d'autres choses? C'est sûr que j'y pense de ce temps-ci parce que j'ai comme, pour une fois, j'ai pas vraiment d'idée pour la suite. J'ai comme un peu balayé dans tous les coins au niveau de l'enfance. Là, c'est vrai que j'ai dit en entrevue récemment que c'était probablement, les gens, des fois, ils pensent que c'est la fin de la série, mais je sais pas, mais c'est peut-être la fin de du cycle de où est-ce qu'on va retrouver le Paul dans un personnage jeune. Donc, je pense pas que j'ai autre chose à raconter à propos de l'enfance de ce petit garçon-là, parce que faut pas oublier que j'ai une vie quand même, moi, assez sédentaire. Je dis, mes parents, c'était pas des diplomates en Afrique. J'ai pas voyagé. J'ai passé ma vie à Rosemont. J'ai pas 56 000 affaires à raconter non plus. Puis je suis pas le genre à étirer la sauce quand j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Je vais faire de la peinture à l'huile. Là, mais si j'ai plus rien à raconter, mais je pense que je peux quand même travailler en bande dessinée avec ce personnage-là. Peut-être à l'âge d'aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Oui, j'imagine que c'est dans une dynamique où jusqu'à récemment, il y avait quand même plusieurs années entre votre personnage autofiction et vous, auteur. Et j'imagine que ça changera un peu de perspective pour vous côté écriture, côté relation avec le personnage, si vous le rapprochez d'où vous êtes actuellement. Oui, ben ça va changer quelque chose, certain. Mais c'est le piège de l'autobiographie, hein. Comme je calque un peu, en fait, je m'inspire de ma propre vie n'est pas si excitante que ça. Donc, il y a un bout à ça. Je veux dire, ça se tarie. Je veux dire, c'est une bouteille avec des histoires dedans. Puis après ça, rendu à la fin, la bouteille est vide. Il n'y a plus d'histoire. Moi, j'ai pas tant de, à moins de prendre la vie de quelqu'un d'autre, qui me gênerait pas du tout. Je pourrais travailler avec d'autres histoires. Mais j'ai besoin d'histoires réelles. Ça, c'est sûr. J'ai besoin de matière réelle. C'est sûr que maintenant, ma vie a changé. Moi, personnellement, ma vie personnelle a changé. Avant, je parlais beaucoup de couple, d'enfants, de famille, mais c'est parce que maintenant, je suis séparé. J'ai comme depuis quelques années. Donc, ça c'est plus dans ma vie. Donc, la personne, Lucie, cette dynamique-là, le personnage, donc le couple de Paul n'existe plus comme tel. Là. Donc, c'est quelque chose que je peux plus parler de. Je suis un peu coincé avec ça. Donc, le prochain Paul, si je faisais un Paul aujourd'hui, il serait seul. Il aurait 54 ans, tu sais. Ça va t'intéresser le monde. un auteur de BD qui produit des BD, qui a fait une adaptation en film, des prix Angoulême, ça peut être quand même intéressant, mais effectivement, le défi, c'est de trouver l'angle, de trouver la masse. J'avoue que c'est ça mon travail, de trouver l'angle, parce que dans le fond, ma matière première est toujours assez banale. C'est toujours des histoires de famille, c'est toujours des histoires que tout le monde a vécues. Tu sais, un gars qui a un chalet dans les Laurentides, mais encore, tu sais, il faut quand même trouver l'angle, puis raconter quelque chose avec ça. Je suis pas le genre à raconter mon journal personnel, genre tous mes petits problèmes privés, puis tout ça, ça regarde personne. Il faut vraiment, moi je pense toujours au lecteur, est-ce qu'il va avoir du plaisir à lire mon histoire personnelle. Il faut que je formate ça pour un lecteur extérieur. Je travaille pas pour ma famille ou pour des amis. Là. Je travaille vraiment pour un lectorat large, puis un lectorat qui des fois qui est en Suisse, en France, en Belgique. Donc ça, faut que ça résonne une cloche, faut que ça sonne une cloche chez les gens, même si c'est des histoires personnelles. Donc il y a ça à regarder. Je regarde ce que je peux raconter. Ça pourrait être plus contemplatif, ça pourrait être plus silencieux. Ça, je sais pas trop. Il y a le roman aussi qui m'intéresse. Le roman sans image m'intéresse aussi. Je suis pas nécessairement cantonné dans la bande dessinée. J'ai souvent aussi fait des changements de carrière. Moi, je suis passé de typographe à graphiste, à illustrateur, à bédéiste. J'ai souvent fait des changements comme ça, radicaux. En autant que moi, j'ai du plaisir dans ma création, puis que je sens que j'ai du jus, là, moi, ça me convient. Mais je suis pas le genre à me répéter, faire 45 albums si j'ai rien à raconter, ça, c'est sûr. Et on peut découvrir justement votre plus récente histoire, donc celle dans laquelle, je le rappelle, vous nous entraînez dans l'adolescence. Donc c'est Paul dans le Nord. Et on met ça sous nos yeux, évidemment, en attendant la prochaine. Michel Rabegliati, merci beaucoup. Hey, ben, je vous remercie infiniment. Bonne fin de journée. OK, vous de même. Au revoir. Au revoir. Ah ben voilà, donc Michel Rabagliati, auteur, je le rappelle, de Paul dans le Nord aux éditions La Pastèque. Et voilà, vous êtes toujours sur les ondes du 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 pour l'émission La Vie en BD. Je vous rappelle également que toutes nos émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com et également, vous pouvez me suivre aussi sur voir.ca/Raymond-Poirier. Alors maintenant, on passe d'un univers autobiographique à un autre. On passe à celui de Bach avec ce deuxième tome de la série « C'est pas facile d'être une fille, tout va bien aller » qui est arrivé sur les étals des libraires il y a de ça quelques semaines. Bach est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ouvre le bon micro, ça va donner une chance. Bonjour. Bonjour. Alors, en fait, deuxième tome qui arrive après le beau succès quand même qui a connu le premier opus. Est-ce que, justement, quand on se lance dans le deuxième, sachant que le premier a bien marché, qu'il y a désormais peut-être encore un peu plus d'attente, malgré qu'il y en avait dans ton cas avec le premier, il y avait quand même pas mal de gens qui te suivent et qui te suivaient sur Facebook, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on s'attaque au deuxième? C'est un peu stressant, parce qu'on sait que le premier, bon, il a bien fonctionné, les gens l'ont apprécié, puis les gens attendent la suite, hein. Donc, il y a toujours une petite pression en se demandant, bon, est-ce que les gens vont l'apprécier? Est-ce que moi aussi je l'apprécie d'un certain côté? Est-ce que c'est aussi bon? Est-ce que c'est aussi intéressant? Beaucoup de questions. En tout cas, jusqu'à maintenant, les gens ont l'air de l'apprécier. Selon les commentaires, donc bon, tant mieux. Et surtout dans le contexte où la vie du premier est pas encore terminée, même au contraire, il y a une nouvelle qui est commencée il y a quelques semaines. T'es en Angleterre, traduction anglaise qui vient d'être lancée, distribution canadienne aussi du côté anglophone. Oui, c'est assez formidable. Oui. Très contente. C'est ça, je suis partie vraiment en tournée médiatique en Angleterre pendant 2 semaines. Puis ça, c'était un gros défi pour moi parce que l'anglais, ça me stresse beaucoup. Je suis pas très bonne. J'ai fait des gros efforts. Puis en fait, y aller, c'était un peu pour me donner un coup de pied puis me dire, OK, ben là, je me force puis je m'en vais rencontrer les gens, parler en anglais devant du public puis essayer de baragouiner. Ouais. Et puis découvrir sa BD aussi à travers le spectre d'une autre culture, travers une nouvelle langue qui peut apporter peut-être un éclairage différent aussi. Oui, ben c'est particulier, puis en fait c'est drôle, ça m'a fait rendre compte que c'est vraiment des sujets universels. C'est drôle, j'étais dans une auberge jeunesse à Kendall qui avait un festival de BD là-bas. Puis j'ai passé ma BD à une Russe dans l'auberge de jeunesse, puis elle mourait de rire. Puis ça, je me disais, c'est drôle quand même, hein, que c'est vraiment universel, là, ces problèmes-là de filles. Oui, ben en fait, d'une certaine façon, j'imagine que c'est un peu l'avantage de l'autobiographique ou de l'autofiction, en fait, dans ce cas-ci, dans la mesure où on parle de quelque chose de très personnel, de très campé dans un contexte géographique, culturel, existentiel, émotionnel, mais finalement, c'est comme on est dans le micro, ben le micro partout se ressemble. Ben c'est ça. Ben c'est drôle, tu sais, parce que justement, dans le premier tome, je parle de Ricardo, tout ça, puis je me disais, tu sais... Les gens, dans le restant du monde, Ricardo, c'est pas nécessairement connu encore. Donc, je me disais, est-ce que les gens vont embarquer dans mes anecdotes beaucoup plus québécoises? Mais non, ça a l'air de bien fonctionner aussi. Donc, chaque pays a son Ricardo. Ben, c'est ça. Parallèlement, en fait, question d'emblée, je fais une petite parenthèse, mais est-ce qu'il y a un intérêt pour une traduction du tome 2 déjà ou on attend un peu stratégiquement? Ah, ça, c'est la question que je me fais beaucoup poser. Ben, je pense qu'il y a un intérêt, mais c'est très... pour le moment, c'est vraiment pas officiel, donc... Mon éditeur en Angleterre semblait très intéressé, mais bon. Dossier à suivre. Mais quand on a parlé, puis le livre, mon deuxième tome n'était pas sorti encore, donc c'est sûr que... mais il y avait l'air de beaucoup apprécier le premier tome, donc à suivre. Et justement, ce deuxième tome, on prend directement là où on s'était laissé avec le premier. Donc, des fiançailles, on chemine tranquillement jusqu'au mariage. Exactement. Donc, en fait, c'est ça. Le deuxième tome, c'est vraiment de l'annonce aux parents jusqu'au jour J. Puis, mais vraiment, ben ça, c'est la ligne directrice, mais on parle beaucoup d'engagement, je crois, dans la BD. C'est surtout ça le sujet principal, les questionnements. Avec le contrat d'engagement qui l'oblige un peu. C'est sûr que le mariage, à la base, c'est ça, hein, c'est un contrat. Donc, c'est ça, toutes les questions qui viennent avec ça, là, sur justement l'engagement, sur des questionnements sur la vie de couple en général. Ouais. Le reflet un peu, j'imagine, de ce que tu as vécu en réalité, en cheminant vers ton propre mariage, mais en version amplifiée peut-être oui. un peu. Oui, c'est sûr que, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment arrivées telles quelles, mais bon, évidemment, il y a toujours une petite touche d'exagération pour amplifier le gag. Mais en effet, c'est assez, c'est beaucoup la vraie vie dans le deuxième tome, là, c'est oui. Et justement, mais en même temps, c'est beaucoup la vraie vie, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que certains personnages, je pense à une de tes amies qui, elle, vit justement sa peine d'amour, bon, écho avec le récit de l'engagement, mais dans le premier tome, on la sentait plus campée dans « OK, c'est probablement à peu près ça qui arrive, ou ça se peut, c'est crédible », et dans le deuxième, là, subitement, elle change de style, elle change de personnalité, j'ai l'impression qu'on l'a amenée un peu plus dans la bande dessinée. Oui, ben justement, dans le deuxième tome, je voulais, particulièrement elle, en fait, je voulais la séparer vraiment de sa vraie personne, parce que c'est ça justement ce qui est arrivé, potin. Non, mais dans le premier tome, elle avait un copain qui elle aimait beaucoup tout ça, puis c'était la vraie vie. Puis quand le livre est parti à l'impression, ça a été terminé. Le livre est parti à l'impression, puis elle m'a appelé pour dire que c'était fini. Puis je me suis rendu compte que c'était un peu bête hein, de parler de quelqu'un que finalement on verra plus jamais, puis c'est un peu malaisant en fait. Donc dans le deuxième tome, je voulais vraiment plus la séparer de ça, la protéger un peu. Donc c'est ça, dans le deuxième tome, oui, elle a vraiment vécu une rupture, mais c'est vrai que je l'exagère, tu sais, dans la vraie vie, elle a de la misère à couper un pouce de cheveux sans virer folle, là. Donc changer de cheveux sans arrêt toutes les semaines, ce serait pas vraiment son genre, là. Et j'imagine que ça met un peu de l'avant, justement, les défis de mettre en scène son entourage, d'une certaine manière, donc faut avoir ces préoccupations-là, parce que ces personnes-là existent vraiment, mais c'est pas les personnes du livre non plus, faut leur faire comprendre, tu sais, le personnage principal, c'est moi, donc moi, je peux m'amuser à amplifier mes défauts, puis bon, avoir de l'autodérision, là. Mais c'est ça, quand c'est les gens autour de nous, faut se rendre compte que, bon, là, faut leur expliquer que c'est exagéré, puis bon, on prend un peu leur visage pour faire le personnage, mais tu sais, je pense par exemple à ma belle-mère qui sont dans la BD, où je trouvais ça particulier de parler d'eux autres parce que c'est des personnes plus sensibles peut-être c'est ça, justement, leur faire comprendre que non, mais c'est pour rire, là, c'est pas, je pense pas vraiment ça de toi, ou bon, c'est juste parce que c'est le classique. Mettons, quand je pense à la belle-maman, ben, tu sais, c'est un peu le classique, là, tu sais, la peur qu'elle s'occupe du mariage, tout ça, et la maman qui s'occupe de ça de son côté, là. Oui, puis on s'entend que si ça va bien, si tout le monde est gentil, il n'y a pas vraiment de BD non plus. Non, là, c'est ça, tu sais. Faut avoir du contenu, tu sais. Donc, d'une certaine façon, ben, même, en fait, tu parlais du fait qu'il faut pas avoir, que tu te permets de rire de toi un petit peu plus, d'amplifier tes défauts. Faut pas avoir peur du ridicule si on choisit de se mettre en scène dans une BD humoristique. Ben, exactement. Faut avoir le sens de l'autodérision, je crois. Moi, je trouve ça amusant de prendre mes défauts puis de les amplifier. Puis je pense que c'est ça que les gens apprécient aussi, ils se reconnaissent là-dedans, puis de pas avoir de tabou un peu, là, de dire voici mes défauts, je le sais que vous avez les mêmes, assumons. Et après ça, c'est de transmettre l'autodérision justement à tes autres personnages. Ouais, ben c'est ça, là. Et puis en même temps, nous amener, parce qu'il y a des passages obligés aussi, j'ai l'impression, dans les trucs de mariage, depuis les séries à l'américaine qu'on a sur TLC, en fait, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, mais les Bridezilla, puis les mariages, l'organisation de mariage est devenue en soi un genre visuel et un genre cinématographique presque. Ouais, c'est vrai, puis j'en ai écouté des émissions comme ça pendant ma préparation de mariage, mais ça me détendait de voir des mariés un peu folles, tu sais, ça me rassurait, je me disais, bon, je suis pas si folle que ça, ça va bien. Puis c'est ça, c'est toujours des... C'est vrai, il y a tellement un gros marché autour de ça, puis c'est une machine incroyable, ça, le milieu du mariage, là, donc il y a du contenu en masse. Oui, puis en même temps, est-ce que d'un autre côté aussi, on se dit, ben, ce que je raconte ressemble peut-être un peu trop à ce que j'ai vu, qu'il y a trop de littérature sur le mariage, puis que là, on est obligé de travailler deux fois plus pour essayer de se distancer, d'être original avec un thème qui est quand même... c'est très présent ces temps-ci. Ouais, c'est vrai. Ben ouais, c'est vrai, j'avais comme pas vu ça de même, mais j'ai écrit ma vie, donc j'ai plus ou moins pensé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films sur les mariages, puis beaucoup de choses un peu à quétaine, puis à l'autre rose, tout ça. Donc moi, je voulais un peu, justement, virer ça de bord, puis dire, regardez, on va regarder le côté drôle de ça, puis en rire un peu, parce que souvent, le monde met beaucoup trop d'accent sur les... Tu sais, j'en parle dans le livre, justement, trop d'accent sur les détails inutiles, alors qu'à la base, on peut se concentrer sur ce qui est vraiment important. On s'entend que le gâteau, puis la robe, ben, c'est bien le fun, mais c'est pas... Faudrait pas faire une dépression nerveuse pour ça, là. Oui, mais d'ailleurs, il y a une séquence que j'aime bien dans ta BD où, justement, t'es en train de visiter ta salle de mariage en hiver. Puis là, t'as la madame qui te dit, ben, c'est super beau l'été. Tu vas voir, ben non, mais je me marie en février. C'est comme... Oh oui, c'est ça. Il y a un peu aussi le cliché de, mais ça, c'est drôle, parce que je me suis mariée l'hiver, puis on dirait que personne ne comprenait pourquoi on avait choisi de prendre l'hiver, alors que il y a plein d'avantages, chers auditeurs, de se marier en hiver. Il y a plein de rabais. Vous le saurez. Parce qu'il y a personne qui se marie. Il y a personne qui se marie, donc les salles souvent sont en rabais, tout ça, parce que de toute façon, ils ne loueront pas les salles. Donc vous le saurez. Et ce qui fait aussi que ce gag-là marche, j'ai l'impression, puis de manière générale, que tes gags fonctionnent, c'est le côté expressif de tes personnages. Les yeux, le reste, la capacité d'être capable de jouer avec les silences d'une certaine façon. Non, ça, j'adore ça vraiment. J'aime ça me faire dire ça parce que j'aime ça travailler avec le silence, justement. En fait, j'aime beaucoup les malaises en général dans la vie. Moi, ça me. J'aime amplifier les malaises, puis j'aime savourer ça, moi, un moment où quelqu'un est... Tu sais, je pense que tu me comprends, Raymond, là-dessus. Là, toi aussi, t'aimes beaucoup les malaises. C'est ça, donc dans mes BD, c'est sûr que j'essaie de l'intégrer le plus possible. Puis oui, c'est sûr. Donc, il faudra se donner l'opportunité de faire un malaise en ondes en cours de route. On essaiera. Peut-être pas aujourd'hui. Mais justement, comment on aborde un peu la mise en scène de ce côté-là? Parce que c'est beaucoup une affaire de rythme, la mécanique du gag, d'utiliser le silence. Si ton rythme marche pas, si t'as mal balancé ta planche, ben subitement, c'est comme ça. Tu crées un vrai malaise plutôt qu'un malaise drôle. Non, c'est ça. Oui, c'est vrai que je pense qu'il faut quand même bien le maîtriser pour que ça fonctionne, que ça soit drôle. C'est vrai, en effet. Souvent, ça va arriver vers la fin où ça va amplifier, la chute. C'est justement ce qui est un silence, puis ça permet au lecteur de vraiment avoir un moment pour se dire « Oh, ça va être quoi la réaction du personnage? » Puis le bam, t'arrives avec soit quelque chose de vraiment surprenant, idéalement, ou quelque chose que les gens s'attendaient, mais... Ça reste drôle quand même, là. Donc, jouer avec la situation, jouer avec le rythme, puis avec tout ça avec un trait qui est aussi, j'ai l'impression, de plus en plus efficace. Ben, merci. Ben, c'est sûr que il y a l'expérience qui rentre, mais c'est sûr que maintenant, ben, je suis travailleur autonome, puis de l'illustration, j'en fais toute la journée, là, vraiment, avec mon style, puis j'ai toujours un souci d'aller plus loin, puis de toujours stagner. J'ai peur de stagner, en fait. J'ai peur de rester là puis d'avoir toujours la même chose. Donc, j'essaie toujours d'améliorer mon dessin puis d'aller plus loin puis, voilà, de faire de l'exploration. Donc, dans le deuxième tome, c'est sûr que je crois qu'il y a une meilleure maîtrise du trait. Puis tu commences à bien connaître mes personnages aussi, là. Je commence à les savoir par cœur pas mal. Donc, c'est sûr que... Oui, puis ça simplement fait d'un côté, tu mets du détail dans tes personnages, dans leur expressivité. D'un autre côté, au niveau des cartes, tu préfères jouer un peu avec des couleurs dominantes sur chaque planche. Ouais. Je suis pas une grande maniaque de couleurs et de décors en partant. Ben pas dans la vie en général, mais moi je suis pas très bonne en décor, puis je suis pas très bonne en couleurs. Fait que ma BD, je la fais vraiment comme je le fais vraiment pour le plaisir, là. Donc je le fais vraiment comme je l'aime, donc pas de couleurs puis pas de décor. Vraiment juste dans les détails. Moi, j'aime beaucoup mettre l'accent sur les expressions de visage. Donc je pense que le décor dans ces cas-là, c'est moins important, là. Par contre, dans le deuxième tome, j'en ai mis un petit peu plus de décor. On peut reconnaître qu'il y a quelques endroits dans Saint-Roch, par exemple. Ouais, j'ai essayé d'en mettre un petit peu plus pour situer les gens. Et au niveau du choix des couleurs de fond, est-ce que tu fais un choix au niveau d'une certaine impression, d'une certaine ambiance pour la case, pour la planche, ou plus dans une variété, dans... Non. un choix plus au hasard. Non, ben en fait, là, comme dans le premier tome, la couverture était rose, donc à l'intérieur, ça variait entre le gag en rose et le gag en bleu, je pense que c'était ça. Oui. Puis dans le deuxième tome, au fond, on a pris le même concept où les gags changeaient de couleur, mais vu que la couverture allait être dans les teintes de jaune, ben je suis allée vers ça, là, mais c'est juste ça la raison. Tout simplement, faut pas trop analyser. Non, c'est ça. Mais en même temps, ça a le bénéfice, justement, tu parlais des personnages, mais de les faire ressortir aussi, dans la mesure où s'ils étaient dans un décor plus détaillé, ben peut-être que leur faciès, leur expressivité aurait moins d'impact aussi. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que oui. Comme je dis, ça, moi, j'aime ça, mettre de l'expression dans les visages. Donc, c'est là-dessus que je veux mettre l'accent. Donc, bon, tout ce qui est autour, ben on le diminue un peu pour mettre l'accent. Et travail d'observation pour composer un peu, pour choisir la trame. Bon, évidemment, il y a quand même toujours bon des courts gags, mais c'est ben, des courts, des quelques planches. Et tout ça vient composer une histoire un peu plus large, une histoire qui est plus émotive qu'événementielle, là, comme on le disait tantôt. Mm-hmm. Et comment justement tu es venu un peu la tisser? Est-ce que pendant que tu vivais, tu notais pour préparer la BD? Est-ce que... Oui, ben vraiment, le deuxième tome, ça a été ça. J'ai noté vraiment à mesure, à chaque fois qu'il arrivait quelque chose. Pendant un an, j'avais mon cahier, puis je notais, puis mon chum me disait aussi « note », parce que ça, c'est important que tu te rappelles de ça, parce que tu t'en souviendras plus, puis c'est ça. Mais ça a quand même été long que avant que je trouve la suite, vraiment. Puis la fin, ça a été... Je pense que j'ai trouvé la fin 2 semaines avant, parce que c'était ma vraie vie. C'est arrivé dans ma vie, la finale, vous le lirez. C'est ça, c'est arrivé comme ça. Mais je trouve que c'est... Pour le moment, j'ai jamais fait encore d'histoire complète, hein, sans gags séparés. Donc, je suis pas encore très bonne là-dedans. Donc, c'est sûr que je trouve ça difficile de prendre tous les gags et de faire une histoire complète qui se tient, là. Ouais, c'est peut-être le truc que j'ai un petit peu plus de difficulté. Remarque, je pense que c'est pas pire. Oui, mais de toute façon, c'est dans le ton aussi, d'une certaine manière. C'est ce qui a été, c'est dans la continuité de tes chroniques de blog, sur Facebook, à travers le premier album. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une cohérence aussi dans cette série-là. C'est ça. Puis qu'elle prenne le temps d'évoluer, selon les besoins. C'est ça. Puis je pense qu'on reconnaît maintenant un peu je pense que les gens vont se reconnaître dans le deuxième tome. C'est un peu monté de la même façon. Ouais, c'est ça. C'est des gags séparés qui forment une histoire complète, en fait. Là. Et est-ce que tu auras envie de poursuivre un peu vers une éventuelle « C'est pas facile d'être une fille 3 » ou au contraire, tu dis « Bon, OK, j'en ai fait 2, je veux faire quelque chose de complètement différent pour me remettre en danger, de sans te dire. » Oui, ben c'est exactement ça. J'ai vraiment besoin de faire autre chose. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu peur de stagner, moi, dans la vie. J'ai peur de rester un peu « Bon, ça fonctionne, puis... tant mieux, je vais faire 15 tomes de ça, là. J'ai comme, on dirait que je suis rendue dans une période dans ma carrière où j'ai vraiment besoin d'explorer, là. Puis j'ai des projets BD plus sérieux, entre guillemets, puis des plus gros défis que j'ai envie de faire. Peut-être qu'il y aura un tome 3 un jour. Je dis pas que c'est impossible, mais pour le moment, je sais pas de quoi parler, en fait. Je trouve que ça, pas que ça se répète, mais en fait, j'ai peur de me répéter, je pense. Oui, en fait, il faut surtout quand tu vas tirer ton matériel de ta vie, de ton quotidien, mais j'imagine qu'il faut qu'il y ait un événement fort que tu as envie de raconter. C'est ça. Pour avoir envie de mettre ce temps-là. C'est ça. Puis là, tout le monde me dit, je pensais que c'est ça que tu allais me demander, est-ce que tu vas écrire « C'est pas facile d'être une mère » Puis là, je dis « Bon, une chose à la fois, là. On verra. Peut-être que rendu là, ça me tentera de raconter ma vie de maman un jour, mais pour le moment, c'est sûr que Peut-être que tu vas déménager en Floride aussi. Oui, exactement. Je pensais déménager en Alaska. C'est fort passionnant. Rien n'est possible. C'est pas facile d'habiter en Floride, par exemple. Ben, c'est ça. Ben oui, tout à fait. Et en parallèle, en fait, outre « C'est pas facile d'être une fille », le tome 2, je rappelle, qui vient d'arriver, on trouve aussi ça et là. Je trouvais intéressant de le souligner dans la mesure où tu utilises cet humour-là avec des préoccupations autour justement d'attributs féminins, stéréotypes, parfois bon les souliers, maquillage, magasinage, mais dans des contextes aussi de chroniques féministes ou féminines, Gazette des femmes, Planche, c'est une extension un peu, on parlait de rire des travers, mais c'est rire des travers aussi pour les dénoncer d'une certaine manière. Oui, exactement, en fait, c'est une belle façon de le dire, parce que c'est ça, quand j'ai écrit le premier tome de « C'est pas facile », je me suis beaucoup fait dire que c'était... ben en fait les gens y allaient un peu à reculons en disant mais c'est sexiste ce que tu dis, puis pourquoi tu dis que c'est pas facile d'être une fille, t'encourages le stéréotype de bon. Puis je dis non, mais justement il faut montrer justement qu'il y a des affaires ridicules, puis montrer d'un autre sens, faut y aller au deuxième degré là, faut comprendre que c'est de l'humour, puis il faut montrer nos petits travers puis en rire. Puis je pense que c'est ça la beauté de la chose, c'est que la liberté de dire que tu t'assumes comme ça, par exemple. Moi, j'aime ça les souliers, j'aime ça les chats, j'aime ça le rose. Bon, ben je m'assume là-dedans, puis je pense que c'est bien comme ça. Puis on dirait que faire de la chronique féministe est un peu ma réponse à ça. Mm-hmm. Un peu pour dire, regardez, oui, je fais de la BD dite plus féminine, mais je suis capable aussi, je suis pas chez nous, puis soumise, là. C'est oui, pas bon, ça, on n'est pas obligé d'aller au premier degré non plus, de « elle aime les souliers ». Non, c'est ça, c'est pas parce que t'aimes les choses plus stéréotypées féminines que t'es nécessairement une cruche, tu sais. Oui, donc ça donne l'opportunité, si on peut dire, d'approfondir ta réflexion dans d'autres contextes, dans d'autres types de gags, puis de créer un écho avec ce personnage ce personnage-là, si on peut dire d'une certaine manière, ou d'autres itérations de ce mm-hmm. personnage-là. Non, c'est ça. Ben, peut-être que je pourrais faire, c'est pas facile d'être féministe. Voilà, prochain album, tout le monde. Non, c'est pas vrai. Scoop. Scoop, je viens de citer ça. Non, mais c'est vrai que... Ouais, je... C'est sûr que de faire... Avec mon personnage, dans c'est pas facile de moi, là, Estelle, c'est sûr que c'est dur de peut-être en parler directement, puisque le sujet est... tu sais, je ferais pas justement une chronique avec mon personnage directement. Remarque que dans Planche, c'est un peu moi aussi mm-hmm. que je m'illustre, là, mais ça ira pas dans C'est pas facile d'être une fille. Je pense que c'est vraiment un autre contexte, puis... Ben j'aime ça faire ça, ça fait changement aussi. Oui, en fait, la recherche de la variété, évidemment. On peut trouver ce livre-là, je le rappelle, C'est pas facile d'être une fille, le tome 2, Tout va bien aller, qui est disponible depuis déjà quelques semaines. Et on continue de te suivre, évidemment, aussi sur Facebook. Alors, Bac, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, on repart en musique, toujours Captain Groovitron. Vous êtes toujours sur les ondes du 89.1, Raymond Poirier avec vous. Dernière ligne droite, j'en profite pour vous parler de quelques albums dont je tenais à vous parler. Ben, en fait, un tout particulièrement dont je tenais à vous parler, un autre dont j'avais envie de vous parler. On verra ce qu'on aura le temps de faire. Premier album, en fait, j'ai parcouru aujourd'hui et hier soir, donc c'est vraiment tout récent. Mais si vous aimez un peu l'univers manga à la Jiro Taniguchi, ben vous pouvez aller mettre la main là-dessus. Si vous aimez l'univers manga à la Minetaro Mochizuki, eh ben c'est possible aussi et je vous encourage fortement à y aller doublement puisque il est l'auteur de ce volume. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs ce mangaka à quel point il est parfois là où on ne l'attend pas. Il nous avait offert Dragon Head et Dame de la Chambre Close qui était quand même un peu plus particulier, un côté plus aventure avec My Why. Et là, pour cette nouvelle BD qui s'appelle Chizakobe, donc premier tome, ben il s'intéresse au roman de Shuguro Yamamoto. Alors, qu'est-ce que cet univers? Eh bien, c'est l'histoire de Shigeji, qui est un fils de propriétaire de d'importantes compagnies et qui, un beau jour, ben, se retrouve littéralement parachuté à la tête de leur organisation parce que tous deux sont décédés dans un incendie et sa première tâche, eh bien, c'est de reconstruire, c'est de réparer le bâtiment justement qui a été le lieu où ils sont décédés quelques jours auparavant. Alors quartier évidemment qui lui aussi a été démoli, donc vraiment une mise en contexte assez dense et le personnage donc se retrouve à travers ça, se retrouve à devoir quitter sa vie d'avant pour se reposséder de cette nouvelle vie-là, mais en même temps on découvre qu'il n'y avait pas nécessairement non plus tant de vie que ça auparavant d'une certaine façon, qui était possiblement en recherche de lui-même, qui reste un personnage au fil du tome 1 très énigmatique. Donc on le voit, on le perçoit visuellement, donc des cheveux, une barbe presque hirsute, un côté très impénétrable. Et ce qui est intéressant, c'est que on vit le livre à travers son regard, mais malgré tout, ses intentions, sa perception reste relativement impénétrable, comme si même à travers ses yeux, il gardait cette limite-là entre nous et lui, ce côté privé qu'on imagine évidemment se dévoiler au fil des prochains tomes. Et à travers ça, vient différents personnages. Contrairement d'ailleurs au roman de Yamamoto, Mochizuki décide d'axer aussi, d'explorer un peu plus le personnage d'une jeune fille qui s'appelle Ritsu, qui elle aussi a son côté sombre, son côté secret, qu'on perçoit au fil de l'album. Il y a aussi un groupe d'enfants qui gravitent autour d'eux, des orphelins. Bref, on campe vraiment un univers qui sera très riche en réflexion, qui sera très riche en construction à caractère psychologique, je crois, au fil de ce récit-là. Alors, c'est vraiment, en fait, j'en dirai pas plus parce qu'à un moment donné, sinon on en dévoile trop, et ça reste vraiment un récit donc qui est ambiant, qui est psychologique, qui est riche, qui est efficace, et vraiment, en fait, si ce type de récit-là vous intéresse, ben je pense bien que vous risquez de ne pas être déçu au contact de cette BD. Et autre mini clin d'œil, parce que tout le monde en a parlé, le dernier Astérix, le tome 36, le papyrus de César. La question que vous demanderez peut-être, c'est est-ce que c'est bon, est-ce que ça vaut la peine? La réponse, c'est ça dépend. C'est pas un mauvais opus, c'est correct, mais par contre, disons que c'est moins efficace que le précédent volume qui, lui, était très... disons, très bien ficelé pour un retour. Peut-être qu'il y avait un peu plus d'attente aussi et que finalement, le deuxième volume n'y répond pas entièrement à la hauteur dont on aurait voulu dans l'idéal. Donc, bref, ça reste un récit qui est sympathique, un peu trop référentiel, un peu trop verbeux. Ça reste de Astérix. C'est franchement meilleur que les derniers Uderzo, mais c'est... disons pas légal dans le côté sympathique qu'on avait découvert avec Astérix chez les Pictes. Donc un petit recul, mais par contre reste que on est quand même curieux de voir le prochain de ce nouveau duo Ferry et Conrad. Alors je rappelle les deux albums, donc le serment de Shigeji Shiosage, Shisakobe tome 1, donc chez Lézard Noir, et également Astérix tome 36, le papyrus de César chez Albert René. Alors c'est ainsi qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. On se dit à le vendredi prochain, toujours 17h30. Entre autres, vendredi prochain, on aura l'auteur d'Undertaker, Ralph Meyer, avec nous.